Unité 9. 10 A. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer un poulet basquaise. Ah, le poulet basquaise, une des meilleures recettes de ma grand-mère. Simple et savoureuse. Avant de commencer cette recette pour 4 personnes, il nous faut un bon vrai poulet fermier d'1,8 kg. Et avec ce beau poulet, nous allons prendre les ingrédients suivants. 4 belles tomates, 2 poivrons, 3 gousses d'ail, 1 verre de vin blanc, sec de préférence, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à café d'épices. Maintenant que nous avons les ingrédients, passons à la préparation.